Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire John Baez, la reine du folk et la conscience de sa génération. J'étais toujours un peu isolée à cause de mes idées politiques. Par exemple, les autres chanteurs et chanteuses, j'ai pas pris assez de temps avec eux juste pour expérimenter avec ma musique. Alors je voudrais faire ça maintenant un peu. Je suis sûre que j'ai 10 ans qui restent, au moins 10 ans de cette voix. John Baez à la télévision française en 1990, la chanteuse qui a été de tous les grands combats est très consciente, vous l'entendez bien, de l'énorme place qu'a pris l'engagement politique et social dans sa vie et dans sa carrière. Et même si elle annonce dans cet extrait vouloir se consacrer davantage à la musique et à la chanson à proprement parler, John Baez restera cette femme engagée qu'elle a toujours été et ses chansons continueront, c'est inévitable, de témoigner de ses idées et de son engagement pour un monde meilleur. On ne peut pas chanter des chansons engagées et mener une vie qui n'est pas en accord avec les principes qu'on défend. Martin Luther King m'a demandé d'aller à Grenada, au Mississippi, pour essayer d'intervenir parce qu'il était retenu ailleurs. Les Blancs jetaient des pierres et des briques sur les enfants noirs qui tentaient d'intégrer l'école. Comme j'étais connue, la presse s'est déplacée et les Blancs ont arrêté de jeter des pierres. I want you to know that even though you are in Grenada, Mississippi, you have friends. I always cried. Je pleurais à chacun de ses discours. C'était toujours émouvant et très juste. So you are a part of a courageous company of freedom lovers. When we were in smaller groups and quand on se retrouvait en petit comité après un discours, il disait pour me taquiner, j'ai placé plusieurs fois le mot non-violence pour faire plaisir à Sir John. John et Martin Luther King éprouvaient de l'admiration l'un pour l'autre. La plupart des artistes pensaient à leur carrière et se tenaient en retrait de notre combat. Ceux qui venaient exigeaient leur petit confort, leur tasse de café, comme s'ils étaient invités à une manifestation quelconque. Mais pas John. Elle se comportait comme un membre de la famille. Sur la chanson « We Shall Overcome », vous entendiez un extrait du documentaire « John Baez, How Sweet the Sound » réalisé par Mary Wharton en 2009. Pour nous parler de la vie, de la carrière de John Baez, je reçois le journaliste au devoir Sylvain Cormier. Sylvain Cormier, bonjour. Bonjour. L'extrait qu'on vient d'entendre évoque assez clairement l'engagement de John Baez dans cette lutte pour l'égalité des Noirs aux États-Unis. Elle sera de toutes les causes, de toutes les grandes causes, oui, oui. John Baez. Quand vous regardez sa vie, sa carrière assez formidable, qu'est-ce qui prend le dessus pour vous, Sylvain Cormier, la chanteuse ou la femme engagée? C'est indissociable. La voix, la pureté de cette voix porte les convictions avec la même idée de d'honnêteté. C'est-à-dire, on ne peut pas douter de son honnêteté quand on entend cette voix pure. Ouais. C'est le moyen, c'est le véhicule parfait. Et si elle disait plutôt, si parce que j'étais connue. Et pour elle, c'est le moyen. Ouais. Il faut être connu. Puis pour être connu, pour elle, ça passe par la voix qui lui permet de chanter tous ses textes. Donc, c'est complètement lié pour moi. Donc, la chanson, pour dire quelque chose, toujours, ouais. Ça lui vient d'où, ce constant besoin d'engagement, Sylvain Cormier? Je pense que ça commence jeune. Son père, ingénieur, aurait pu faire une très grande carrière, mais finalement, décide plutôt d'œuvrer contre le racisme anti-mexicain. Mannequin. Bon, il a lui-même épouse des causes. Et c'est tout naturellement, apprenant quelques accords de ukulélé, ben sa voix va d'abord servir des airs traditionnels. Ouais. C'est pratiquement son terroir. Oui. Et ce père-là, il est effectivement... Il travaille à l'UNESCO. Oui, voilà, c'est ça. Il est antimilitariste. Donc, elle naît dans dans cet état d'esprit-là. Elle grandit avec ça. L'idée de base de la non-violence vient de là. Ouais. Précède sa rencontre avec Martin Luther King. Ouais. C'est ancré en elle. Ouais. Et puis, c'est à la fin des années 50. Donc, au début, la jeune gamine, la petite jaune qui joue du ukulélé, ouais. qui a cette envie de chanter, qui a cette voix formidable. Et puis, à la fin des années 50, là, vraiment, la carrière d'école, un premier disque pour elle, qui va être un succès instantané. Elle a 19 ans à ce moment-là. Ouais. Et puis, un concert important aussi. Elle chante avec Bob Gibson au Festival Folk de Newport. Quelle importance ça aura, ce spectacle Sylvain Cormier, au Festival de Newport pour John Baez? Ben, c'est que les gens découvrent qu'elle a cette voix qui peut justement porter les causes. Les gens découvrent, les gens du milieu folk, qui ne sont pas nécessairement des figures de proue naturelles, qui sont pas des Pete Seeger, malgré tout ce qu'il a fait, n'était pas une vedette dont on connaissait tant que ça le visage. Elle passe à la télé rapidement. Ça va devenir une grande vedette. On va l'appeler la reine du folk. C'est les deux disques qui la font le plus connaître, John Baez In Concert Part 1 puis John Baez In Concert Part 2. Déjà, elle joue dans des grandes salles, un peu comme Peter, Paul and Mary de leur côté. C'est vraiment celle qui a accès au grand public, ce que le mouvement folk avait de toute évidence besoin. Et puis, il y a au départ, on l'a un peu évoqué, mais cette voix extraordinaire, comment décrire cette voix-là? Dylan en parle dans son autobiographie comme une espèce d'enchanteresse dont la pureté de la voix est comme une espèce de soupir de volupté. Ouais. Alors, il y a à la fois une pureté de cette voix de soprano qui tient la note sans jamais se faire de sparage avec, disons. Mm-hmm. Et il y a aussi une chaleur dans cette voix-là. Il y a une humanité. Ouais. Et c'est pour moi le mélange de ce très haut registre, presque angélique, mêlé à quelque chose qui sort du ventre. Ouais. Parler de Dylan, il est incontournable quand on parle de John Baez. Ils font partie l'un et l'autre l'un de la vie de l'autre et de la carrière de l'autre. How many roads must a man walk on before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times... Quand j'ai entendu Dylan, j'ai su que c'était le chaînon manquant entre moi et le monde, la musique, la politique, tout ça. J'ai su que c'était la direction à suivre. Son allure débraillée a réveillé mon instinct maternel. Déjà très jeune, il avait un talent fou et un air très mystique. Mystique and all of it at a really young age. Je crois que nous étions amoureux tous les deux de l'autre et de sa musique. J'étais folle de lui. On sortait ensemble et on a eu des super moments. J'ai toujours aimé jouer et chanter avec elle. Nos voix se mariaient vraiment bien. On pouvait chanter ce que l'on voulait, ça sonnait toujours bien. En tout cas, moi, je trouvais. et je crois qu'elle aussi. Et puis un jour, elle m'a proposé de jouer en concert avec elle. Et voilà. Que dire de cette relation entre Dylan et John Baez, Sylvain Cormier? Quelle importance ils auront l'un pour l'autre? Ben, c'est pas la même chose pour chacun. Ouais. John Baez voit Dylan en spectacle en 1961, comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose là. Ils vont finir par se rencontrer en 1963. Et là, John Baez carrément décide de le prendre sous son aile et justement de l'inviter à faire ses premières parties. Et Dylan profite de ça. Dylan est un ambitieux, ouais, est un opportuniste. Et s'ils ont une relation vraie jusqu'à un certain point, on sent rapidement que Dylan se sert de ça. C'est intéressé de sa part. Clairement. Et en 1965, quand il devient vraiment une très grande vedette, il fait une tournée en Angleterre, ben il s'occupe pas d'elle. C'est elle continue d'être fascinée par son écriture, mais pratiquement, il la largue. Et ça va être une rupture très, très difficile pour elle. Lui devient la star, ouais, la rock star, au fond, qu'il voulait devenir, s'éloigner du protest song. Ouais. Alors, mais elle va continuer de chanter ses chansons dans le genre « Tu peux m'enlever tout ce que tu veux, mais tu peux pas m'enlever ça. Ouais. » Et en 68, elle faisait un album complet de chansons de Bob Dylan. Elle va faire un autre plus tard. Elle ne cessera jamais de chanter ses chansons. Au fond, ça lui appartient aussi. Ils vont se retrouver... La relation amoureuse, elle est assez courte. Deux ans. Mais ils vont se retrouver, puis ça va être les montagnes russes, mais ils vont se retrouver sur scène sporadiquement jusqu'en ici et là, en 1980, autour de oui, ça. Oui, oui. Et il y a des moments qui se passent assez bien, comme à l'époque du Rolling Thunder Review en 1975-16. Cette tournée un peu comme une sorte de cirque ambulant. Mais à d'autres occasions, au tournant des années 80, c'est moins évident. Il y a un moment, il y a une tournée avec un programme double Santana-Bob Dylan et John Baez est invité à participer à ce spectacle-là. Elle pense qu'elle va être à l'affiche et qu'il va y avoir des duos, tout ça. Finalement, non. On la relègue à la première partie. Il n'y a pas de duo et elle quitte cette tournée-là, assez furieuse. Mais le temps passe et finalement, quand chacun parle de l'autre dans leurs autobiographies respectives, il y a un amour et un respect mutuel. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. Heading straight for a fall. As I remember. John Baez va dire de cette chanson qu'on entend à Sylvain Cormier, oui, Diamonds and Rust. D'ailleurs, oui, le titre est assez évocateur par rapport à ce que vous venez de nous dire sur leur relation. C'est une chanson qui évoque ses années avec Dylan. Elle va dire que c'est sa plus belle chanson. Je pense que c'est votre chanson préférée aussi de oui, John Baez. Pourquoi? Ben, c'est celle qui passait à la radio. John Baez n'était pas nécessairement quelqu'un qui jouait à Chaume quand j'avais 12-13 ans. Cette chanson-là était une chanson de palmarès pour elle. Sinon, avant, il y avait eu Farewell Angelina, The Night They Drove Old Dixie Down, par exemple, sa version d'une chanson du groupe de band. Mais elle n'a pas été souvent sur les palmarès. Et là, il y avait une volonté d'un son plus léché, plus produit, qui l'amenait donc sur un autre terrain, c'est-à-dire ouais, celui d'un public plus large. Ouais. Vous disiez l'après Dylan, pour ouais, elle, ce sera encore Dylan. Elle va reprendre ouais, certains de ses succès, mais il y a autre chose aussi. Elle va chanter les plus grands paroliers, oui, oui, les plus grands auteurs. Elle chante les poètes. Elle chante les auteurs-compositeurs. Elle les porte souvent, un Phil Oakes, un Tim Arden. C'est souvent elle qui va les faire connaître. Et jusqu'à sa dernière tournée, elle continue de chanter les Steve Earle, Emmylou Harris, c'est Mary Chapin Carpenter. C'est vraiment quelqu'un qui continue comme une mission de porter la parole. Oui. Ben, cette parole, on y revient pour parler de cet engagement. On l'a évoqué au tout début pour la cause des Noirs aux États-Unis. Mm-hmm. Dans les années 80, elle sera du côté des syndicalistes en Pologne, de Solidarność. Et puis, évidemment, le Vietnam, l'incontournable Vietnam. Ouais. Ce sera l'une des causes pour lesquelles elle va s'engager le plus activement, celle de son opposition à la guerre au Vietnam. Okay, this is the song. Voici un extrait de la chanson qui m'a donné le plus grand courage à Hanoï, sous les bombes. Pourtant, je ne pouvais contrôler mes genoux qui tremblaient. Tout mon corps tremblait. Le seul moyen de dominer ma peur, c'était de chanter en dépit des bombes. Je parvenais même à les oublier, ces bombes qui tombaient très près de nous et qui faisaient tout trembler. Even as the bombs were really so close that they made everything tremble. Ain't gonna let nobody turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. Keep on a walking, keep on a talking, marching up to freedom land. Quelle forme va prendre l'engagement de John Baez dans cette opposition au Vietnam? Ben, une forme extrêmement rigoureuse. Quand elle revient de Hanoï, justement, ben, elle va critiquer les deux côtés. Les excès de violence des deux côtés. Ouais. Et la gauche américaine ne le prend pas. C'est pas évident du tout, mais elle a constaté ça et elle le dit. C'est John Baez profondément. C'est-à-dire, on ne peut pas dire elle est de gauche ou de droite. Elle est celle qui dit la vérité. Ouais. Pour la justice. Pour la justice. Où qu'elle se trouve. Oui, c'est ça. Ouais. Quitte à froisser des gens. Ouais. Les dernières années, évidemment, c'est les années de la reconnaissance. Grammy d'abord, hein, le Grammy hommage en 2007. Ouais. Il y a ce concert à la Maison-Blanche en 2010. Oui. Ça, c'est trop savoureux. Racontez-nous, Sylvain Cormier, l'histoire derrière ce concert à la Maison-Blanche et la chanson que va interpréter John Baez. Ben, en fait, c'est surtout celle qu'elle n'interprétera pas. Ouais. Michelle Obama, sa chanson préférée, c'est « If I Had a Hammer ». If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land, I'd a hammer out danger. Et elle demande à John Baez d'interpréter cette chanson-là. John Baez refuse. Elle déteste cette chanson depuis toujours. Si j'avais un marteau, je me taperais sur la tête avec. C'est ce qu'elle répond à John Baez, donc elle va vraiment refuser de ça. Ils vont finir par s'entendre sur We Shall Overcome. Oui, et voilà. Elle continue aujourd'hui de... Elle vient, après 10 ans d'absence sur disque, elle vient de lancer un disque, John Baez. Pour nous dire quoi? Ben, je pense qu'il y a pour elle, à nouveau, une urgence de dire. C'est pas du tout innocent qu'elle ait écrit « Nasty Man », sa première chanson en presque 30 ans, qui parle de Trump. Ouais. Et qui en parle plus que sévèrement. Et ça, c'est un réflexe, une pulsion qu'elle a eue devant ce qu'elle voyait. Elle a été appelée à le faire. Qu'elle a dit, c'est pas une bonne chanson, mais elle l'a mis sur les réseaux sociaux en se disant, il faut que ça sorte. C'est nécessaire. Ouais. Et son nouvel album, c'est aussi une façon de boucler la boucle. Par rapport à son premier disque, de revenir à sa base, à sa base de non seulement faire de belles chansons, mais des chansons qui disent quelque chose plus que jamais. Il y a une chanson qui s'appelle « The President Sang Amazing Grace ». Qui fait référence à la fois où Obama, dans l'église où il y avait eu l'une des tueries majeures aux États-Unis, avait chanté Amazing Grace. Et ben, pour elle, c'est une façon de dire que ben, il y a peut-être moyen que les gens responsables fassent ce qu'il faut parfois. Et il y a cette chanson qui est la chanson titre de l'album d'ailleurs, Whistle Down the Wind. I grew up here. All of my life, but I dream someday I'd go where the blue-eyed girls and the red guitars and the naked rivers flow. Il est quand même assez intéressant que sa chanson un peu testamentaire revienne au... Celle-là, Whistle Down the Wind. Oui, revienne au vent. C'est-à-dire, de, on passe de Blowing in the Wind à Whistle Down the Wind. C'est-à-dire, on est... la réponse se trouve encore dans le vent. Aujourd'hui, Sylvain Cormier, bon, il y a ce disque nouveau, ce nouveau John Bass, c'est déjà un événement. Oui. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qui reste de cette grande figure qui a été vraiment de toutes les batailles? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette voix-là, cette femme-là aux États-Unis? Bien, d'abord, elle représente une influence majeure qu'on entend partout, jusqu'à une chanteuse qui s'appelle Rhiannon Giddens, qui est une soprano comme elle, une chanteuse afro-américaine qui porte à nouveau cette voix-là et ce propos et ces convictions-là. De John Baez jusqu'à Judy Collins, jusqu'à Joni Mitchell, jusqu'à Emmylou Harris, jusqu'à Rhiannon Giddens, il y a comme ça une suite naturelle. Et une manière de faire de la chanson. Une manière de faire la chanson qui est sans filtre, qui ne manque pas de beauté, mais qui dit les choses telles qu'elles sont. Et son héritage est probablement celui-là, c'est-à-dire qu'il y a moyen, dans le plus, dans la beauté, de dire quelque chose. C'est pas le choix entre l'un et l'autre. Ouais. Et ça me semble essentiel dans ce qu'elle nous laisse. Sylvain Cormier, merci infiniment de nous avoir parlé de cette grande, grande dame de la chanson. Merci. Ça fait plaisir. Sylvain Cormier, journaliste au Devoir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Marie Caillé. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Christian Côté et Philippe Couture. À la technique aujourd'hui, Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. So I will take the Marylebone coach and be whistling down the wind. So I will take the Marylebone coach and be whistling down.